مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة، مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة. آهن آهن أخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن الأعادي، وقلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. متن الأجرومية، الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنهاجي المعروف بن أجر الروم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. متن الأجرومية. كور ديسبنسي بار أبو يوسف عبد الله العاجي. باب الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثاره واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بلاد ضلالة، وكل ضلالة في نار. أما بعد، ففي الدرس السابق أخذنا ما كان يتعلق بالنواسب. أنا في بخون une des parties de النواسب. والنواسب جمع الناصب، c'est le pluriel du ناصب، وهو العامل الذي يدخل على الكلمة فيغير آخرها بسبب دخولها، donc c'est le عامل qui va changer l'état de la kalima dans laquelle elle va rentrer, soit bi raf, soit bi annas, soit bi jar ou al khafd, ou soit bi al jazm al hasab, yani de ce qu'on a vu au début. Donc on a pu évoquer yani certains des an-nawasib, wa qulna anna an-nawasib ala thalathati aqsam: nasibun yansibu bi nafsihi, wa nasibun yansibu bi an mudmara jawazan, wa nasibun yansibu bi an mudmara wujuban. Quels sont les an-nawasib allati tansibu al-fi'l al-mudari' bi nafsiha? Quels sont les an-nawasib qui vont le fi'l mudari' mansub bi nafsiha? Si vous avez la réponse, levez la main, sinon je donne la réponse. Naam, tafaddal. An, walan, wa kay, wa idhan. Naam. An, walan, wa kay, wa idhan. Les quatre premiers qu'il a cités, al-mu'allif rahimahullah ta'ala. An-nawasib qala rahimahullah an-nawasib 10. Est-ce que c'est sahih ou bien il y a une rectification? Il a dit an-nawasib, ils sont au nombre de 10. Hal hada sahih? Non, 4, ils sont au nombre de 4. Et c'est lesquels? C'est les 4 que vous avez cités en premier. An, walan, wa kay, wa idhan. Tamsib an-nawasib, yan tamsibu al-fi'l mudari' bi nafsihi. Am 4, c'est pas sahih, parce que as-sahih c'est les autres mawadi', c'est avec an, c'est avec an. C'est pas par le harf en lui-même. Parce qu'on va voir, on a pu voir que certains de ces harf-là, c'est des harf al-jar. Et le harf al-jar, c'est un harf al-jar. Il a la fonctionnalité de rendre majrour ou bien marfoud la kalima qui arrive derrière. Comme c'est le cas de la mukay wa lam al-ta'lil. La mukay plutôt et wa lam al-juhud. Ce sont des harf qui vont rendre, qui ont la fonctionnalité de rendre majrour. Donc, un harf, il peut pas rendre majrour et kadra et ka mansoub. Ça montre qu'à Dalika, la contradiction dans le fait de dire que ces hurufs-là, c'est des nawasib. Comment il peut être nawasib ou qu'à Dalika jar? C'est pas possible. Non. Il y avait quoi encore? Non. On avait évoqué pour N que c'est un harf, nasb, il va avoir un mansoub ou un masdar, parce que ce qui suit derrière, le verbe et le harf, ça va être dans un ta'wil, ça va être un masdar, tamam. Et istiqbal, parce que an iza dakhala ala al-fi'l al-mudari' bi ma'na al-istiqbal, il va rendre le sens du mudari' pour l'istiqbal. Ensuite on a pu prendre l'an, l'an kathalika c'est un harf nasbin, parce qu'il va rendre mansoub, ou à nafyin parce qu'il va porter le sens de la négation au fi'l mudhari' ou à istiqbal. Istiqbal parce que kadhalika va porter le sens du futur dans le fi'l mudhari' alladhi yali ou alladhi tali. Et là, on avait pu évoquer une faïda par rapport à cela. Est-ce que l'an tufida at-ta'bid? Est-ce que c'est un nafi qui est éternel, si on peut dire cela, par une traduction approximative? Est-ce que l'an tufid at-ta'bid? La. La tufid at-ta'bid. Bikhilaf maqala Mahmoud al-Zamakhshari. Alayhi min Allah ma yistahiq. Al-Mu'tajili dit que l'an tufid at-ta'bid. Pourquoi? Parce que dans l'aqidah ma'rouf, ils ont un mu'taqad qui est muharif. يعني كثير من النحاة إذا معتقد كي منحرف جدا دون الأسماء والصفة. كذلك مثلا قول سبحانه وتعالى لن تراني. تم لما قال الله سبحانه وتعالى لموسى لن تراني. فقال ذلك المعتزلي قال لن هنا بمعنى تأبيد. أي لن تراني أبدا. C'est-à-dire لا في الدنيا ولا في الآخرة. تم لا prétendu que on ne verra pas الله سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا كذلك في الآخرة. Pourquoi? Par rapport à l'ayah لن. Il a dit لن تفيد تأبيد أي أبدا. Alors que c'est pas صحيح. Alors que c'est pas صحيح. الأدلة يمنطق le خلاف ذلك. إلى ربها ناظرة وجوه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Au jour de, à ce jour-là, des visages seront resplendis, si je me trompe pas. إلى ربها ناظرة. Ils vont regarder vers Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. تم زيادة فسر في الحديث أنه الرؤية إلى نظر الله سبحانه وتعالى. Donc on a des adillah qui montrent que c'est pas vrai. وكذلك الشيخ العثيمين avait évoqué un dalil من الكتاب qui montre que c'est pas possible parce que les kuffars ils ont dit ولن يتمنوه أبدا par rapport à la mort. Jamais vont souhaiter mourir et pourtant يوم القيامة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. Demande Allah عز وجل à Malik qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a annoncé et leur donne la mort. Donc il a dit si jamais l'an serait été bima'na ta'bid, jamais ils auraient demandé de mourir, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou bien dans l'au-delà. Donc ça nous montre que c'est pas sahih. Lakin ala hasab. Ala hasab, maintenant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fa'il lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqooduha an-nas wal hijara. Est-ce que l'an huna c'est bima'na ta'bid? Non. Parce que ils ne pourront jamais apporter le semblable du Coran. Après, il y avait idan. Non. On avait vu idan kazalika, laquelle on avait pu voir que idan c'est harf jawab ou nasb. Jawab ou nasb. Laquelle bishurut? Qui se rappelle des shurut afin que idan ce soit un nasib? Tadda. An yakuna sadaran. Ahsanta. Yani yabda'u. في الجملة يبدأ أولا فهو أول ما يبدأ به في الجملة الجوابية أو الجزائية. première chose qu'on évoque dans la jumla qui est jawabiya. La deuxième condition, نعم, qu'il n'y a pas de فاصل entre lui et le verbe sauf le قسم et كذلك أن لا يفصل بينه وبين الجواب comme ça a été évoqué. نعم, qu'il n'y a pas de فاصل entre les deux excepté si jamais c'est quoi le قسم ou le deuxième, la deuxième exception, c'était tam la nafia, tam la nafia, nam la nafia. Tam la troisième condition, c'est que le fi'l ba'dahu yakun bima'na yadull 'ala al-istiqbal. Nam al fi'l ba'dahu yadull 'ala al-istiqbal. Fa idha dalla 'ala al-hal, eh ben il n'aura pas cette viabilité de rendre mansoub le fi'l qui a ba'da. Maintenant, comme on a pu l'évoquer, une personne tape à la porte, daqa al bab, faqulta man, faqala fulan ibn fulan, faqulta idhan aftah, ay idhan aftah. On peut pas dire là idhan aftaha. Pourquoi? Parce que là c'est le hal, yani idhan aftah, yani al-an, tam, idhan aftah al-an. Donc c'est pas l'istiqbal. Ahsantum. Ensuite il avait évoqué qu'il y a d'autres choses qui sont à évoquer tam dans idhan, on n'a pas tout évoqué. Et ça c'est dans d'autres kutub tam. Dans d'autres kutub. إن شاء الله تبارك وتعالى. قال وكي تام كي هنا سي حرف نصب وتعليل نصب وتعليل تام سكي لا on a vu نعم on avait évoqué une condition afin que il rendre il soit qui rendre منصوب الفعل المضارع بنفسه. On avait évoqué une condition, si vous vous rappelez, تا لا تدخل نعم qu'il y a qu'il n'y a pas harf an. Là, c'était pas ça. C'est que la munjar rentre dedans. Il ne faut pas que la munjar rentre dedans. Si la munjar rentre dedans, et bien là il ne sera plus mansoub de faire mudari' bi kay lakin bi an mudmara tam bi an mudmara wujuban tam ta'allamtu al-arabiyya likay aqra al-quran likay aqra al-quran huna aqra il sera mansoub bi an mudmara wujuban tam tu peux pas dire likay an aqra tu peux pas dire tam donc il faut pas qu'elle lame le jar qui est en dedans tam si lame le jar en dedans خلاص tam le kay il sera pas mansoub plutôt le fi'l sera pas mansoub bi kay tam مثلا si j'aurais dit طلبت نعم طلبت العلم او تعلمت بالقلم مثلا طلبت تعلمت العربيه كي اقرا القران تمام كي اقرا القران دونك ليس منصوب بكي لام كي دونك ça c'est un حرف on peut l'appeler aussi كذلك لام تعليل تمام لكن ça c'est ça fait partie des حروف التي تنصب او plutôt تنصب الفعل المضارع بواسطه ان مضمره جوازا تمام avec Biljawaz, c'est-à-dire que tu peux la faire apparaître comme tu ne peux ne pas la faire apparaître. On avait évoqué un cas dans lequel l'amoukay, terme l'amoukta'lil, la an mudmara, elle sera obligée d'apparaître. Al-asl, c'est que il peut, elle peut ou ne pas apparaître. Lakin, on a évoqué un exemple dans lequel, s'il y a l'amoukay, l'amoukta'lil, eh ben, an, il sera obligé d'apparaître. Qui se rappelle de cet exemple-là, plutôt de ce cas-là? Non. Quand on rentre avec la négation terme, مثلاً لكي لا كما قال سبحانه وتعالى لئلا يعلم أهل الكتاب مثلاً لئلا يعلم أهل الكتاب كما قال سبحانه وتعالى في آخر الحديد نعم لكي لا يعلم أهل الكتاب ألا يدخل يقدرون على شيء من فضل الله تام هنا on peut pas on peut que faire apparaître n تام parce qu'on peut pas dire لئلا تام لئلا يعلم أهل الكتاب ça n'a pas de sens تام لئلا يعلم أهل الكتاب tu es obligé de rentrer n هنا لئلا تام là bas c'est لئن لا لكن on a fait un idgham par rapport au tajwid لِأَلَّا كَذَلِكَ مَمْ en dehors du tajwid il y a juste la carte que tu enlèves le nun et que tu la remplaces par un nishad dans le lam لِأَلَّا الْأَصْل لِأَنَّا أَحْسَنْتُمْ on avait pris كَذَلِكَ لَمُ الْجُحُود لَمُ الْجُحُود on avait pu voir que cette appellation là elle était un peu critiquable par rapport au fait qu'on avait dit que الْجُحُود c'est le fait de nier une chose que tu connais أَمَّا cette لَمُ الْجُحُود on peut comprendre que pour qu'elle rende nasib avec la biwasitati an mudmara wujuban tam que il faut qu'elle apporte le sens du juhud alors que c'est pas cela tam on l'appelle il avait appelé d'une appellation autre que c'est qui est mieux qui est lam an-nafi tam lam an-nafi lakin lam al-juhud elle est plus connue dans ce par cette appellation là tam à part quand on avait évoqué qu'elle avait quelles conditions pour que cette lam al-juhud tam à rendre par l'intermédiaire de an mudmara wujuban le fi'l mudari' mansub qui se rappelle de cela ba'da ma kan aw lam yakun nam ahsant ba'da ma kan aw lam yakun il manque juste une petite précision tam lam al-juhud allati taqa' ba'da ma kana aw lam yakun lakin il manque une toute petite précision qui est importante tu me rappelles on avait dit ma kana aw lam yakun en parlant de kana qui est quoi naqisa c'est-à-dire celle qui rentre dans le mubtada wal khabar فترفع المبتدا وتنصب الخبر تام اما كان التام celle qui se suffit juste d'un fa'il celle-là même si jamais on met une négation avant et ben ça va pas apporter le sens de ce sera le fi'l derrière il sera pas mansoub tam il sera pas mansoub bien au contraire ça marfou tam donc c'est celle qui rentre dans le mubtada wal khabar tam celle qui rentre dans le mubtada et dans le khabar نعم et on avait pris hatta نعم hatta كذلك يهم منصوب بواسطه ان مضمرا وجوبا on avait évoqué pour cela une condition نعم une condition نعم qui comporte deux choses qui se rappelle de la condition avec hatta نعم بمعنى معنى الفعل الاستقبال نعم ان يكون الفعل بمعنى الاستقبال تمام و ce استقبال là يكون ب نعم بحسب ما قبل ما قبله من الفعل تمام مثلا si je dis صوم حتى تغيب الشمس هنا on dira quoi حتى تغيب تمام منصوب تمام sera منصوب هنا تغيب pourquoi parce que غروب الشمس يكون بعد قولي صوم تمام lorsque je te dis صوم c'est sur le moment حتى تغيب الشمس مثلا je dis ça il est 5 on va dire c'est le fajr تمام on a pris le fajr صوم حتى تغيب الشمس et la personne est en train de faire le siyam de Yom Arafa et elle ressent de la fatigue et l'akhirahi toi tu veux le motiver tu dis soum hatta tarib al-shams et la tuftir tamam la tuftir et là c'est le matin c'est le fajr غروب الشمس est بعده. لكن lorsqu'on dit تغيب الشمس, c'est une chose qui va venir après. Kazalika, on a vu que il faut qu'il soit kazalika, le fi'l qui vient après hatta, il soit mustaqbal بنسبه زمن تكلم, qu'il soit mustaqbal par rapport au moment où on parle. Il faut qu'il soit mustaqbal par rapport au fi'l qui est avant lui, et kazalika mustaqbal par rapport au moment où on parle. On a pris l'exemple de l'ayah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul. Tu peux dire huna hatta yaqula, comme tu peux dire kadhalika hatta yaqulu. Pourquoi? Parce que azilzal binisbati zaman atakallum, au moment où ce verset-là a été révélé, il est venu avant. Il est venu avant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé cette chose-là qui est venue avant qu'il a révélé. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul ay mata nasrullah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a révélé cela. Il nous a révélé cette chose-là qui s'était passée. Donc là, on peut dire yaqoula, comme on peut dire kadalika yaqoula. Si jamais le fi'l al-mudari' ba'da, ba'da hatta, il a laissa bima'na al-istiqbal bi nisbati zaman takallum, t'as le droit de le rendre marfou' comme t'as le droit de le rendre mansoub. Et des deux, du marfou' et du mansoub, ça a été lu dans le Coran. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ, et dans une autre riwaya, حَتَّى يَقُولُ. Ça c'est ce qu'on a pu voir en dernier dans le cours. Donc inshallah on poursuit. قَالَ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْجَوَابُ بِالْفَاءِ وَالْوَاوُ وَأَوْ. Donc ça c'est le reste. يعني بقية الأحرف التي تنصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا. Il a commencé par le fa, wal waw, wa aw. Tam jawab, al jawab, bil fa, wal waw, wa aw. C'est pas des jawab, tam, lakin c'est des huruf, tam, comme on va le voir, yani sababiyya ou bien ma'iyya ila akhirihi. Lakin c'est pas des jawab, tam, c'est pas des jawab, lakin lorsqu'ils évoquent cela, waqa'a fi jawab, ils disent comme ça, tam. Waqa'a fi jawab al jumla, tam, ils appellent ça. Il a commencé, wa rahimahullah ta'ala, bil fa. Tam, cette fa là, on l'appelle quoi? يعني التي تنصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا فالسببية. فالسببية لماذا سميت سببية؟ لأنها تم وقع بسبب ما قبلها. تم وقع بسبب ما قبلها, تفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها. فالسببية لماذا سميت هكذا؟ لأن هي تفيد أن ما قبلها, يعني من الفعل اسكيتي ايبوكي, سبب لما بعدها. مثلا قول سبحانه وتعالى وبيتم على قناه الكونسا, تمام, لا تكذب فيفضحك الله. لا تكذب فيفضحك الله. Ne mens pas car Allah سبحانه وتعالى va te démasquer. Ne mens pas car tu vas te faire démasquer par Allah سبحانه وتعالى. فهنا الكذب, تمام, c'est un سبب que si la personne a le fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le dévoiler. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé sababiyya. لأنما قبله, qui est le kadhib, سبب لما بعده, qui est quoi? Le fait qu'il se fasse démasquer. لا تكذب فيفضحك الله. لا تكذب فيفضحك الله سبحانه wa ta'ala. Donc ça c'est un exemple qui nous montre que la ma'na de ce harf là, fa al-sababiyya. Et il a dit wal waw. Et cette waw là, on l'appelle waw المعية. واو المعية لماذا سميت هكذا؟ لأن يعني الواو كي va rendre منصوب بواسطة أن مضمرة وجوبا تسمى واو المعية. تم واو المعية لماذا سميت هكذا؟ لأن هي تفيد حصول ما قبلها مع ما بعدها. هي تفيد حصول ما قبلها مع ma ba'daha, va apporter le sens que la chose qui a été évoquée avant elle va survenir au même moment que la chose qui est évoquée après elle. Maintenant, on va prendre le même exemple. La takdhib wa yafdahak Allah. La takdhib wa yafdahak Allah. Ne mens pas car Allah subhanahu wa ta'ala va te démasquer. Et sur le champ, au moment où tu vas mentir, Allah il va te démasquer directement. Ça peut arriver. Ou un autre exemple, مثلا, لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. لا تنهى عن خلق, n'empêche pas que la personne applique un comportement وتأتي مثله. تام. Et toi, tu empêches une chose alors que tu l'as faite. Tam. Tu interdis une chose. Tam. لا تنهى عن خلق. N'interdis pas une chose, un comportement. Et alors que toi, tam, tu le fais. Tam, tu le fais. Tu interdis de mentir et tu le fais. Tam. لا تنهى عن خلق. مثلا نهي عن الكذب. وتأتي مثله. Alors que tu le fais. Tam. وتأتي. أي مع أنك تأتي. تم مع أنك تأتيه لا تنهى عن خلق مثلا عن الكذب لا تنهى عن الكذب وتأتي مثله وأنت ومع أنك تأتيه تم ça c'est قبيح جدا تم la personne qui interdit une chose et alors que elle le fait تم ça c'est قبيح جدا فهذا هو معنى الواو المعية وكذلك الفاء سببية فاء سببية لأن ما قبلها سبب لما بعدها المعية لأن ما قبلها تقع مع ما بعدها تمام تقع مع ما بعدها et il faut savoir que cette waw et cette fa elles vont pas rendre mention biwa c'est-à-dire an mudmara wujuba excepté اذا سبقهما طلب او نفي pour que cette fa al sababiyya al waw al ma'iyya tansib al fi'l al mudari' bi an mudmara wujuba il faut que ce qui est avant elle elle soit précédée soit d'un talab, on va voir qu'est-ce que c'est le talab, ou soit d'un nafi, ou soit d'une négation. Soit d'une négation. Mathalan, la négation, lam tarham, lam tarham, faturham. Lam tarham, faturham. Ay faturhama. Lam tarham, faturhama. Tu n'as pas fais miséricorde, tu n'as jamais fait ma miséricorde et tu veux qu'on te fasse miséricorde, hein? Faturham, lam tarham, faturham. Tu n'as pas fait miséricorde pour qu'on te fasse miséricorde. Tam farrahma, yani adam, adam al-rahma, c'est un sebab que cette personne-là, il a été quoi? Il n'a pas été kadalika marhum. Et le même exemple, matalan, tam, lam tarham wa turham. Tam lam tarham wa turham. Kadalika, matalan, لا نأمر بالخير ونعرض عنه لا نأمر بالخير ونعرض عنه تام ني on appelle au bien et ni كذلك plutôt لا نأمر بالخير ونعرض عنه تام on n'appelle pas au bien et كذلك on s'en écarte faut pas qu'on fasse cela تام ça c'est une exhortation qui se font maintenant à eux-mêmes تام لا نأمر بالخير ونعرضه ونعرض عنه لا نأمر بالخير ونعرض عنه أي لا نأمر بالخير مع أن نعرض عنه تام سي مذموم on appelle pas au bien et كذلك on s'en écarte تام il faut pas qu'on fasse cela تام donc ça nous montre rien par rapport au nafi تام سبقه نفي et il a rendu منصوب le fi'l الذي بعده بيش بأن مضمرة وجوبا سي مثلا في الإعراب تام لم ترحم ça إن شاء الله ça va venir لكن فترحم فترحم on va dire quoi الفا فا سببية وترحم فعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره تمام الفتحة الظاهرة في آخره وكذلك لوتر اكزامبل لا نأمر بالخير ونعرض عنه لا نأمر بالخير ونعرض عنه كذلك لا نأمر بالخير إن شاء الله سون ليس ونعرض عنه ونعرض عنه ونعرض فعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة في آخره أشكفوا نبي دوك الفاعل والفاعل دمير مستتر وجوبا تقديره نحن تمام وكذلك ضم خمية فترحم يعني تقديره أنت وعنه يعني جار ومجر متعلق بالفعل تمام فلا إلى rendu منصوب parce que سبق بالنفي il faut qu'il y ait un nafi ou bien un talab et ma al murad bil talab al talab yani ça englobe 8 choses al nafi ça englobe que le nafi ma'ruf amma al talab ça englobe 8 choses ça englobe baratna fikum al istifham plutôt 7 choses ça englobe al istifham wa ça englobe al amr ça englobe al nahi ça englobe al tamanni ça englobe al raja on a dit al ard wa ça englobe al tahdid istifham 1 al amr 2 al nahi 3 التمني 4 الرجاء 5 و 7 العرض 6 et wa tahdid 7. Tam at-tahdid 7. Donc il y a cette chose qui rentre sous la chose qu'on appelle at-talab. At-talab c'est un ism jami' li hadhihi al-ashya' al-istifham al-amr al-nahy al-tamanni al-raja' al-'ard wa at-tahdid. On va évoquer inchallah chaque exemple pour cela. Mathalan al-istifham, tu dis mathalan hal turhamuna faturhamu, hal turhamuna faturhamu, est-ce que vous faites miséricorde pour qu'on vous fasse miséricorde? Dans les cas on peut dire hal turhamuna wa turhamun, tam le fa et le waw, tam c'est le, pour les exemples qu'on va évoquer, ça rentre les deux dans les exemples, tamam. Fa si on fait l'i'rab mathalan huna, on dira pour bon ce qui va suivre après, tam on va faire l'exemple l'i'rab en entier. Donc hal يعني حرف استفهام تم مبني على السكون لا محل له من الاعراب. نعم هل ترحمون هذه بديل. هل ترحمون ترحمون فعل مضارع مرفوع بمرفوع لتجرده من الناصب والجازم. بقول مرفوع لتجرده من الناصب والجازم الى aucune chose qui le rend ni منصوب et ni مجزوم. C'est pour ça qu'il est quoi, qu'il est مرفوع. تم ça c'est son quoi, c'est son عامل. تم comme on a pu évoquer, le عامل il peut être quoi, لفظي comme il peut être quoi, معنوي. Là il est معنوي, تم il n'est pas évoqué, il est abstrait. Donc comme on avait dit ترحمونا فعل المضارع, تم فعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة نصبه النون لأنه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. هل ترحمونا, تم هل ترحمونا والواو دمير, الواو هنا دمير متصل في محل رفع فاعل, تمام. فترحم الفاء هنا سابية. ترحم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. هل ترحمون فترحموا أو كذلك avec واو وترحموا. Et هُنَا يعني la chose qui nous a permis que fa il soit utilisé avec an mudmara wujuban, c'est que la jumla elle a été quoi, elle a été masbuqa bi al istifham hal, tam hal c'est min ahruf al istifham. Tam un autre exemple avec quoi, avec le amr. Tam le deuxième exemple on avait, le deuxième, la deuxième chose qui rentre dans talab, al amr, al amr ma'ruf. Tam مثلا نقول اطلب العلم فتفيد الناس. اطلب العلم فتفيد الناس. اطلب العلم تمام فعل امر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت. العلم يعني مفعول به صون الوقت ان شاء الله سابني عبر ختام سبوساكو في العرب ان بو رابي. نعم فتفيد الناس الفاء نسبيه او مثلا الواو واو معيه تمام وتفيد الناس وتفيد او تفيد فتفيد فعل مضارع منصوب بان مضمر وجوبا وعلامه نصبه الفتحه الظاهره في اخره وفاعله ضمير مستتير تقديره انت وجوبا تمام يعني مستتر وجوبا تقديره انت فتفيد الناس والناس مفعول به منصوب بالفعل وعلامه نصبه الفتحه الظاهره في اخره. دونك لا الفعل المضارع تفيد الى ايت منصوب بان مضمر وجوبا avec le fa ou bien le waw qui est rentré dedans. Et c'est quoi qui nous a permis cela? C'est que la jumla est masbouqa bi talab, qui est quoi huna? Al-amr. Troisième exemple qui rentre dans talab, al-nahi. La takdib fa tahlik. La takdib fa tahlika. La takdib, la huna, la nahiya. Takdib, fi'lun mudari', fi'lun mudari' majzum bila. On va le voir, ça fait partie des jawazim. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu mustatir wujuban taqdiruhu anta. Tamam? فتهرك فا سببية أو بين واو معية فتهرك أو وتهرك وتهرك فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا وعلامة نصبه كشتواد عليك فا أو بين واو تم فتهرك أو وتهرك الفتحة الظاهرة في آخره وفعله دمير مستتر وجوبا تقديره كذلك أنت. دونك لا كذلك تهلك إلي منصوب بأن مضمر avec la rentrée de fa et du waw. Et qu'est-ce qui nous a permis cela? C'est que le fi'l al-mudari, il est masbouq bi-talab, qui est quoi huna? Al-nahi. Al-nahi, c'est une forme de talab. Tu demandes qui ne monte pas. Kafarika al-tamanni. Al-tamanni, c'est quoi? C'est raja ma'ala yurja yani wuku'uhu. C'est le fait de souhaiter une chose dont tu ne pourras pas avoir. Souhaiter une chose dont tu ne pourras pas avoir. comme une personne qui est vieux, comme ils avaient évoqué comme exemple, Layta Shabab Ta'udu. Tam Layta Shabab Ta'udu. Il aurait souhaité que la jeunesse lui revienne. Il est vieux, khalas, il ne peut plus. Tam. C'est ça le tamanni. C'est de souhaiter une chose dont tu ne peux pas avoir. Amr Raja, c'est une chose que tu peux avoir. C'est ça le farq entre les deux. Les deux souhaitent une chose, laquelle un. Yatamanna, ala Allah l'amani, tam, il se fait des rêves, des illusions. Et l'autre, yani, c'est une chose qui peut. Amr Raja, ça va venir, inshallah. Donc, yatamanni, on a pu évoquer qu'est-ce que c'est. Maintenant, tu dis, comme, plutôt qu'on le subhanahu wa ta'ala, ya laytani kuntu ma'ahum fa'afouza. Allah dit, fa'afouza. Ya laytani kuntu ma'ahum fa'afouza fawzan azima. Ya laytani kuntu ma'ahum fa'afouza fawzan azima. On va se focaliser sur les arabes de fa'afouza fawzan azima. Fa, as-sababiyya, ou bien en dehors du Coran, mathalan, wa'afouza fawzan azima. Wa'afouza fi'al mudari' mansub bi an mudmara wujuban wa alamat nasbihi al-fatha zahira fi akhirih. Wa fa'iluhu damir al-mustatir wujuban taqdiruhu. Anna, tam fa afouzu, Anna. Tam, donc la suite, inshallah, c'est après, tam, parce que c'est des choses qu'on n'a pas encore vues, tam. Fa afouza, fawzan azima, tam, maf'ul bihi, plutôt c'est un maf'ul mutlaq, et l'autre c'est une sifa, tam. Fa afouza, fawzan azima, huna, fa afouza, il est mansoub bi an mudmara, wujuban. Tam, et qu'est-ce qui nous a permis, avec le fait que Sababia qui est entré dans le kazalik al-waw, c'est atamani. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ya laytani, tam. Et l'aïta, ça fait partie des ahruf qui sont quoi? Des ahruf et tamanni. Ça fait partie des lettres qui apportent le sens du tamanni, c'est-à-dire l'espoir d'une chose dont tu ne pourras pas avoir. Donc ça, c'est le quatrième. On a vu istifham, al-amr, al-nahi, al-tamanni. Le khamis, al-raja. L'espoir dont tu peux avoir la chose. Non, mais je n'ai pas un exemple au Coran, lakin, la'allallaha, non, mathalan, la'allallaha an yukrima. لعل الله أن يكرم زوجتك فتليد لك ولدا صالحا فتليد لك ولدا صالحا تام لعل الله j'espère que Allah subhanahu wa ta'ala va honorer ta femme et ce sera une cause pour que elle te donne un enfant qui est صالح. On va se focaliser sur فتليد تام فتليد لك ولدا صالحا تام فتليد هنا فتلد فعل مضارع تام لفاف سببية أو بيان كذلك أنا أريد أن أقول تام لعل الله أن يكرمك أو يكرم زوجتك وتلد تام وتلد لك ولدا صالحا أو فتلد لك ولدا صالحا فتلد هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرا وجوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتير جوازا تام هنا سجوازا بس كسه هي تام جوازا تقديره هي تام ف نعم هي تام فتلد هي لك ولدا صالحا الى هنا تلد س الى ايت منصوب بان مضمر وجوبا باسكو الى مسبوق دان طلب كي كو هنا الرجاء تام كي ا بيرمي كو لو فعل المضارع سوا كو منصوب لو سيزيام العرض العرض سكو الطلب الذي فيه اللين والرفق. C'est la demande que tu fais avec douceur, avec douceur. Et les huruf al-ard, ils sont plusieurs. Lakin celui qui est beaucoup utilisé, c'est ala. Ala. Mathalan, tu dis ala tazuruna fatu'allimana. Mathalan, ala tazuruna fatu'allimana. Ala, donc c'est un ard, c'est une proposition. Visite-nous afin que tu nous donnes la science. C'est une demande. Ala tazuruna. فتعلمنا ألا تزورنا فتعلمنا هنا تعلمنا فعل مضارع منصوب تم لفا كم نبي وكي سبيا بمعية الواو ومعية فتعلمنا فعل مضارع منصوب بأن منصوب بأن مضمرا وجوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره وفاعله تقدير فاعله دمر مستتير وجوبا تقديره أنت أي فأنت تعلمنا والنون المتصل بالفعل في محل نصب مفعول به تعمل النون هنا سيمفعول به لا كذلك هنا الفعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بس كي مسبوق بالطلب هنا للنوع من الطلب سيكون العرض الطلب الذي فيه رفق ولين و le dernier qui est quoi qui est التحضيد qui est التحضيد le fait de كذلك يعني d'exhorter لكن الذي فيه شدة وإزعاج إلى آخره. تام في شدة. الفرق entre العرض والتحضيض العطف يعني يكون برفق والتحديد والتحديد يكون بشدة وإزعاج إلى آخره يعني tu vas le déranger lorsque tu vas le demander tu vas employer une manière de demander qui va le déranger ou bien il va sentir qu'il y a dedans une شدة مثلا tu dis à une personne هل لا تهجر أهل البدع فتتخلص منهم هل لا تهجر أهل البدع فتتخلص منهم تملي Ne vas-tu pas faire le hajr au mubtadi'a, comme ça tu peux te débarrasser d'eux, t'as une personne qui est un peu faible, et l'akhirihi, il sait pas comment, parce que le mubtadi'a peut-être qu'il est gentil avec lui, l'akhirihi, il sait pas comment se débarrasser, et lui dit, mais c'est un mubtadi'a. T'as le fait que ce soit un mubtadi'a, qu'on lui a fait nasiha et l'akhirihi, wa stamarra ala zalika, il s'entête sur sa bid'a, tu dois lui faire un hajr. Donc il est en train de l'exhorter, bishidda, t'as parce qu'il voit qu'il y a une faiblesse dans cette personne-là, donc il veut le remonter. Halla, t'as halla. Là, c'est un talab, ala zifihi shidda. هل لا تهجر أهل البدع فتتخلص منهم؟ Voilà l'issue favorable pour cela, c'est que يعني, tu en fasses le hajr. Donc là, تتخلص فتتخلص تم هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا وعلامة نصبه كذلك الفتحة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت تمام أنت تتخلص منهم تمام donc là كذلك تتخلص c'est un فعل مضارع كي منصوب بأن مضمر وجوبا il est مسبوق dans طلب qui est quoi التحديد qui est quoi التحديد qui est الطلب الذي فيه إزعاج donc on résume الفاء السببية والمعية تمام elles ont deux les deux ont un sens l'autre يعني c'est السببية l'autre c'est المعية تمام لكن les deux لا تقع يعني كما قالوا مع أن مضمرة كبيرة غن منصوب يعني لفعل مضارع دار سلا اكسبت سي جمي أسون مسبوقة صدى نفي كما نقول لم ترحم فلم ترحم فترحم لم ترحم فترحم تم أو لم ترحم فترحم Et كذلك, ça peut être un harf, ou bien je veux dire, j'ai oublié d'évoquer ça. Le nafi, ça peut être un harf comme un fi'al. مثلا, ليس الجهل محمودا فتقبل عليه. ليس الجهل محمودا فتقبل عليه le jahl c'est pas une chose qui est bonne et فتقبل عليه pour que ce soit un sabab pour que tu ailles vers le jahl donc là كذلك il y a un nafi qui est masbouk qui est quoi ليس ça fait partie des choses qui apportent la négation donc le nafi ça peut être quoi soit un harf ou bien soit كذلك بارتلو فيكم un fi'l يعني on regarde juste le nafi que ce soit un fi'l ou bien que ce soit quoi un harf donc on répète ce المضمرة كي با رم منصوب plutôt ces أحرف là qui sont le فعل واب كي با رم منصوب الفعل المضارع تم بعده avec المضمرة وجوبا il faut qu'il soit مسبوق d'un نفي ou bien d'un طلب on a pu voir الطلب ينقسم إلى سبعة تم إما الاستفهام إما الأمر إما النهي إما أتمني إما الرجاء إما العرض إما التحضيض si jamais il n'est pas مسبوق ni d'un طلب et ni كذلك بارك الله فيكم d'un نفي Eh ben, il sera pas mansoub, tam. Il sera pas mansoub, et ça sera un harf. Yani soit istinaf ou bien soit un harf atf, tam. Al hasab al jumla. Donc il faut cela, tam. Il faut cela. On va évoquer un exemple qu'ils évoquent beaucoup dans ce bab-là, qui est l'histoire de la ta'kul al-samak wa tashrab al-laban, tam. Lorsqu'ils évoquent cette chose-là, là, c'est beaucoup évoqué par rapport avec la wa al-ma'iyya, tam. Parce qu'il peut avoir plusieurs sens, tam. Wa va peut être l'il-ma'iyya, comme peut être elle est l'atf ou l'istinaf, c'est-à-dire que ma qabla al-waw laysa lahu ilaqan bima ba'da. Elle a pas ce qui est avant le waw, il n'a pas de relation avec ce qui est après. Donc, maintenant, tu dis la ta'kul al-samaka wa tashraba al-laban. Huna wa tashraba al-laban. On va vous laisser réfléchir. Le waw, huna, c'est quoi? Est-ce que c'est waw ma'iyya, waw al-atf ou bien waw al-istinaf? La ta'kul al-samaka wa tashraba al-laban. C'est quoi comme waw, huna? Si vous savez, levez la main, si vous ne savez pas, là, c'est ça. Là, on a, c'est waw al-ma'iyya. Le dalil, c'est que ce qui vient après, ce qui vient après le waw, il est mansoub, comme on a pu l'évoquer. Et ce qui est avant le waw, c'est un talab. Donc là, comme on a pu évoquer, toutes les conditions sont évoquées, il y a le fa, il y a une chose qui l'a précédé, qui est soit un affi, que soit un talab. Donc ce qui va venir derrière, si jamais je veux apporter le sens de al-ma'iyya, qu'une chose a été faite ensemble, eh bien, le fi'al mudari' ba'da sera quoi mansoub wa tashraba la ta'kul as-samaka wa tashraba al-laban wa yakun al-ma'na la ta'kul as-samaka fi al-waqt alladhi tashraba al-laban tam ne bois pas en même temps ne mange pas le poisson en même temps que tu es en train de boire quoi ? Al-labantam. Donc il est en train de lui dire ne fais pas les deux en même temps. Lakin, si tu veux, tu manges le poisson et ensuite tu bois le laban. Ou bien tu bois le laban et ensuite tu manges le poisson. Lakin, les deux en même temps, la taf'al. Lorsqu'il te dit al-mariya, il t'interdit de faire les deux en même temps. La ta'kul as-samaka wa tashrab al-laban. Ay ma'an. Les deux en même temps. Si jamais maintenant je dis la ta'kul. La ta'kul as-samaka wa tashrab al-laban. Wa tashrab al-laban. En mettant le fi'l tashrab majzoum. Là, ça sera quoi ? Là, هنا, ça sera waw al-atf. C'est-à-dire quoi ? La ta'kul as-samaka wa la tashrab al-laban. Ni tu manges ni tu manges le poisson et ni tu bois le lait. La tashrab. La ta'kul as-samak wa la tashrab al-laban. Et dalil qui nous montre que c'est waw là, c'est waw al-atf. Parce que ce qu'on a évoqué avant, c'est quoi ? La ta'kul. La ta'kul, c'est la nafia. Donc le fi'l, la nahia. Donc le fi'l qui est après, c'est quoi ? Il est majzoum. La nahia, comme on va le voir, ça fait partie des jawazim. Donc le fi'l qui est ba'da, il est majzoum. Il est majzoum. Si jamais on rentre waw al-atf, et bien ce qui vient après le waw al-atf, il aura le même hukm dans l'i'rab de la chose qui est avant. Donc la chose qui est avant, elle est majzoum. Kazalika, la chose qui est après le waw, si jamais c'est l'i'rab, elle sera kazalika majzoum. Donc si jamais elle est majzoum, Kazalika, elle va porter au niveau du sens le même sens qui est après. C'est comme si jamais tu disais La ta'kul as-samak wa la tashrab al-laban. La ta'kul as-samak wa la tashrab al-laban. Pourquoi ? Parce que même si on n'a pas évoqué le waw, plutôt le lam qui est après, le waw dans la dans tashrab al-laban, on l'a pas évoqué. Lakin le fait que tashrab il majzoum, donc il est ma'touf ala ta'kul. Et ta'kul il est majzoum biyesh bila an-nahya. Donc c'est comme si jamais Kazalika. Tashrab il est majzoum bila j'ai dit na'am an-nahya. Donc là ce sera quoi ? La ta'kul as-samak wa la tashrab al-laban. Là il est interdit les deux. Dans la première quand il était mansoub, c'est il est interdit de faire les deux en même temps. Là il est interdit de faire les deux catégoriquement. Et si maintenant on dit la ta'kul as-samak, la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban, معنى ذلك là c'est si jamais le marfou'. Tam, ce sera quoi ? Ce sera waw al-isti'naf. C'est-à-dire que le waw, tam, ce qui est avant le waw, ça n'a pas de relation avec ce qui est après. C'est comme s'il te dit ne mange pas le poisson, lakin, si jamais tu veux, mange le poisson, plutôt bois le lait. Tam. La ta'kul as-samak, wa laka sharb al-laban. Et tu peux boire le laban. Tam. Donc yani, le waw, comme ils ont dit, tam, ce waw al-ma'iyya, et kazalik al-fa. As-sababiyya, ce sera à la hasab al-niyyah, avec selon les intentions. Selon les intentions. Si jamais il veut évoquer une chose avec waw al-ma'iyya pour évoquer une chose en même temps, eh ben, faut savoir que le fi'l qui sera après sera mansoub. Il sera mansoub. Et il faut que avec le fi'l, il faut qu'il y ait les choses qu'on avait évoquées avant. Il faut qu'il soit masbouk imma bi nafi, eh bien imma bi nafi wa imma bi talab. Kazalika al-fa as-sababiyya bi hasab al-niyyah. Elle peut être kazalika comme ils ont évoqué, ça peut être un harf wa'atf. Ou bien une autre chose. Là, qui si jamais on veut, le fa'al sababiyya, celle qui apporte le sens du sabab, que ma qablahu sababun liman ba'da. Si on le ramène, il faut kazalika, on ramène les choses qui suivent derrière, plutôt avant, qu'il soit masbouk, imma bi nafi, wa imma bi at-talab. Donc, Inch'Allah, on va se contenter de cela. Parce que al-nawasib, c'est surtout de la manière dont on les a évoqués. Tam, c'est un peu concis, tam, c'est un peu, ça peut paraître dur, donc c'est pour ça on va doucement, tam. Donc on répète de manière générale, al-nawasib qu'on a fini, ah non, il manque aou, afwan, on va finir avec aou comme ça, la prochaine fois, Inch'Allah, on commencera avec, on fera avec al-jawazim, tam. Donc j'ai oublié aou, Allah musta'an, mais on va finir, Inch'Allah, de manière rapide et c'est simple, tam, en fait. Donc aou, huna, kadarika, ça va faire partir kadarika de nawasib, tam. Et pour que Aou ait la viabilité de rendre Mansoub avec An Mutmara Wujuban, il faut qu'il soit Yani Annahu Yasih An Yahil Mahallahu Ila Aou Illa. Pour que ce Aou là, qui va rendre Mansoub Al-Fi'l Al-Mudari avec An Mutmara de manière Wujuban, il faut qu'il soit, on peut le remplacer soit par Illa, le Harf Al-Istithna, illa ou bien bi ila tam ila. Mathalan, comme ils ont mis comme exemple, la aqtulanna al kafira ou yuslim. La aqtulanna al kafira ou yuslima. Aïe, لَأَقْتُلَنَّ الْكَافِرَ إِلَّا أَنْ يُسْلِمْ. Je tuerai ce kafir, excepté si jamais il se soumet à Allah Azza wa Jalla, il rentre dans l'islam. Donc, هنا, أو, on peut le remplacer par quoi ? On peut le remplacer par illa. Donc là, il aura le sens, plutôt il va être ce nawasib avec an al-mudara qui va rendre mansoub le fi'l mudari' ba'da. C'est pour ça qu'on a dit aw yuslima. Tam l'aqtulanna al-kafira aw yuslima. Tam c'est simple. Comment tu fais pour le reconnaître ce nawasib là? Aw, si jamais il a la viabilité d'être remplacé par illa, aw illa, donc il va rendre mansoub avec an mudara wujuban le fi'l mudari' qui sera après. L'aqtulanna al-kafira أو يسلم أي لأقتلن الكافر إلا أن يسلم. Je tuerai ce kafir excepté si jamais il se soumet au dîn de l'islam. Donc là c'est bimana illa. L'exemple avec illa, comme ils ont évoqué dans les exemples, لأستسهلن صعبا أو أدرك المنى. لأستسهلن صعبا أو أدرك المنى. لأستسهلن صعبا, c'est-à-dire que la difficulté je vais la prendre comme une facilité. Tam ila an udrika al-muna. Je vais prendre la difficulté comme une facilité jusqu'à ce que j'arrive à mes espoirs. Jusqu'à ce que j'arrive à mes espoirs. Tam la astasheelana, ça vient de sahl. Tam astasheelana, ça veut dire sa'aj'aluhu, sa'aj'al as-sa'ba sahlan. Je vais rendre la facile la difficulté facile jusqu'à ce que ila tam udrika al-muna, jusqu'à ce que j'arrive à mes espoirs. Jusqu'à ce que j'attrape mes espoirs, si on veut le traduire de mot à mot, jusqu'à ce que j'arrive à mes espoirs. Donc la astasheelana sa'ba aw, wana on peut le remplacer par quoi? Ila tam ila tam la astasheelana sa'ba ila an udrika al-muna, je vais rendre la difficulté simple jusqu'à ce que je puisse atteindre mes buts et mes espoirs. Donc aw wana pour qu'il rende mansoub avec an mudmara wujuban, il faut qu'il a la viabilité d'être remplacé soit par illa ou soit par illa. Et on dit bien qu'il a la viabilité d'être remplacé parce que certains des personnes qui font l'explication de Ajrumiyya, lorsqu'ils arrivent à Aou, ils disent pour que un avec un mudmara, ils vont rendre mansoub, il faut que c'est celui qui a bima'na. Bima'na illa ou bima'na illa. Là. Il n'a pas la ma'na de le Aou, il n'a pas la ma'na de illa. Ou bien de illa. Tam, il n'a pas la ma'na de illa, ou bien de illa. Lakin, il peut être remplacé. Tam, c'est une chose différente. Il peut être remplacé. Tam, donc il faut être méticuleux lorsqu'on précise ces choses-là. C'est pas qu'il a le sens de illa ou bien de illa. Lakin, il peut être remplacé soit par illa ou bien soit par illa. Tam, donc ça, c'est ce qu'on a plutôt la khulasa dans le nawasib. Al nawasib, 10. As-sahih, 4. T'en as qui rendent mansoub binafsihi, ou plutôt binafsiha. C'est quoi? Ils sont au nombre de 4. An, wa lan, wa idan, wa kay. Ils ont des shurut, certains d'entre eux peuvent rendre mansoub le fi'l qui va venir ba'd. On a pu l'évoquer dans la révision. Ensuite, un qism qui va rendre mansoub al fi'l al mudari' ma'a an mutmara lakin jawazan. Qui est quoi? Lam kay, on peut l'appeler kadarika, lam ta'lil. Ensuite, tu as le troisième qism qui est quoi? Min al nawasib allati تنصب الفعل المضارع بأن مضمرا وجوبا. الآن لا بغبا أبدا. Et qui est le reste de بقيته الأحرف التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى, savoir لام الجحود حتى والجواب بالفاء والواو وأو. Et on a expliqué ça en détail. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك الدرس والتي قبلها والتي إن شاء الله تلي مفهوما إن شاء الله. En espérant que ce soit, ça a été compris. S'il y a des questions, Inch'Allah, par rapport au cours, on vous invite à nous faire part en levant la main, ou sinon, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, on se quitte sur cela. Et non, comme j'ai mis l'annonce, Inch'Allah, il n'y aura plus cours le vendredi, hein, parce que les horaires en France, même, elles diminuent, les horaires pour le, vous, je crois, c'est le maghrib, elles descendent très très vite. Et moi, je n'ai pas le moyen que de le faire après l'Isha, donc ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'on va se rencontrer pour faire un dors de 10 minutes, 15 minutes à la fin, tu vois. Donc c'est pas possible. Et je peux pas, moi, kazalika, le faire dans la journée, parce que c'est le Jumu'ah, on peut pas se permettre de donner un cours, t'am. Donc, Inch'Allah, on va l'annuler de manière définitive, t'am. On reviendra pas sur ce vendredi-là. Lakin, Inch'Allah, comme c'est le cas-là, on prendra, t'am, une bonne heure, dans laquelle on fera une révision, dans laquelle une petite révision de 10 minutes. Et dans laquelle on expliquera et année le cours, et ça sera que le jeudi, inshallah, et qu'à l'heure, si jamais il y a des changements par rapport aux horaires, on fera, lakin cette heure-là, mashallah, elle est assez large, donc il n'y aura plus de cours vendredi, ou à, désolé par rapport à cela, lakin qaddarallahu ma sha'a fa'al. Donc s'il n'y a pas de questions par rapport au cours, inshallah, on se laisse sur cela. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Et ce qui est important, mettez en application. Mettez en application le fruit du nahw, c'est l'arabe. C'est-à-dire la compréhension kazalika de la langue arabe. Et kazalika, le fait que tu ne fasses pas d'erreur lorsque tu parles. Ça, c'est une autre chose, ça demande un peu plus de pratique. Lakin, lorsque tu lis une ayah du Coran, avec ce qu'on a vu, pose-toi des questions. Si jamais tu vois un fa avec un fi al-kemonsoub, dès que tu vois un fi al-kemonsoub, pose-toi la question. Pourquoi il est mansoub? Et tu cherches et tu verras que tu vas trouver des tatbiqat, il y a des applications dans cela qui vont être très bénéfiques pour toi. Donc posez-vous des questions lorsque vous lisez le Coran ou bien lorsque vous tombez sur un hadith et la khiri, ou la parole d'un alim, il a évoqué bon, plutôt le Coran et la sunnah, parce que des fois les ulama, même si jamais ce sont des ulama, ça leur arrive de se tromper dans le nahw. Donc le kitab et la sunnah. Et posez-vous des questions, c'est important, ça va vous donner, ça sera bénéfique pour vous. Donc, Inch'Allah, ce qui sort sur la table. Barakallahu fikum, wa nas'Allah subhanahu wa ta'ala, yahfazana wa iyyakum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Subhanahu wa ta'ala, wa rahmatullah. Ma'a tahiyyati dammad, afaq.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. Al-hadar min ar-rukun ila al-zalama min shi'ah. أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.